Kamu bende bende na mebogera tumbo inbizi mbia chopa kecho pege. Bwende didi age buna komono zizi. Tuba jako geo. De plus, soyez tous salués et merci d'être toujours présents sur cette chaîne où on traite des sujets qui ne sont pas tabous. Hein. Rien n'est tabou ici. Et toujours sur la rubrique réponse aux questions, je viens donc répondre à quelques préoccupations de certains amis, frères et sœurs qui posent des questions sur de tous les coins de la planète. Donc, la question qui nous est revenue aujourd'hui revient du Burkina Faso. La question qui m'a été posée et qui intéresse d'ailleurs tout initié, je ne suis pas le seul. Maintenant, je vais ici apporter donc ma petite contribution sur la question qui m'a été posée et qui nous a été à tous ici posée, tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne et dont j'encourage ceux qui ont encore des amis, ceux qui sont contents depuis qu'ils ont commencé à suivre mes enseignements, tous ceux qui sont intéressés et qui sont probablement, qui connaissent des amis et connaissances, des parents, pour pouvoir s'abonner ici. Et vous connaissez ma philosophie. Tout est syncrétique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout accepter, tout ce que je viens dire. Et tout en sachant une chose, c'est que ce que je viens partager comme connaissance n'est que la somme de mes propres expériences, de mes connaissances, de mes études, Et surtout, de mes initiations, que je suis celle-là, vous savez que l'initiation est une affaire personnelle, c'est une expérience individuelle que les gens ne sont pas obligés de partager. Et vous le constaterez d'ailleurs par le titre de cet enseignement que je partage avec vous. Le titre est le suivant. Comment expliquer la dimension scientifique sur la dimension spirituelle? Comment expliquer la dimension scientifique sur la dimension spirituelle? Cette question, bien sûr, est une question très pertinente, car depuis la nuit des temps, les gens ont toujours pensé que la science est folie. Les gens ont toujours pensé que on ne peut pas parler de spiritualité sans la science. C'est une stupidité qui a plané dans la plupart des esprits des gens, les esprits de la plupart des gens, que la science, n'est-ce pas, était en contradiction avec la spiritualité. Donc, au cours de mon exposé ici, je vais vous prouver le contraire, car toute scientificité, je répète, car toute scientificité sans spiritualité est une idiotie qui n'a pas son nom. En d'autres termes, nous ne pouvons pas parler de spiritualité sans associer la science, car la science est simplement le mouvement de l'explication. La science, c'est simplement le mouvement de compréhension et d'application des principes préétablis. Mais bien sûr que la science, elle est évolutive, elle n'est pas figée. Et ceci, je vais vous illustrer cela par des exemples. La science, c'est la connaissance aussi, car une connaissance, elle est scientifique. La connaissance est explorable. Et dès lors qu'on l'explore, ça veut dire qu'on cherche à découvrir la vérité. Derrière donc la science, il y a la vérité. Mais dans tous les méandres, dans toutes ces gymnastiques scientifiques, scientifico-intellectuelles, vous verrez que l'esprit s'en moque, car l'esprit est au-dessus de tout. Et c'est effectivement le rôle donc de la science de venir expliquer l'esprit, de venir expliquer le spirituel. Parce que au commencement était l'esprit, au commencement était la pensée. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours expliqué tous les jours, au cours de mes exposés, au cours même des séminaires que j'ai eus à gauche et à droite, j'ai toujours expliqué que un mouvement conscient, c'est-à-dire le mouvement conscient de notre pensée, jusqu'au point où je sais où nous savons. Que la totalité de l'imagination créatrice dans tout l'univers jaillit ici et maintenant en l'instant où on se pose des questions. Peut-être que ma pensée était trop longue. En d'autres termes, je voulais dire par là que le mouvement conscient de notre pensée est ce mouvement conscient de notre pensée qui contribue à la matérialité et au mouvement de la vie. La vie ne peut pas mouvoir sans le mouvement conscient de ma pensée. Or, le mouvement conscient de ma pensée n'est autre que le mouvement de mon conscientiel. Le mouvement de mon conscientiel, le mot conscientiel vient bien sûr de la pensée consciente. Donc, on ne peut point parler de toute cette terminologie, du mouvement de la pensée, du mouvement conscientiel, du mouvement des univers, la relation entre la matière et l'immatériel. La relation dans les mouvements des astres, la relation entre la force et autres phénomènes de la vie, et même le mouvement d'un véhicule, un véhicule qui bouge. Tout ceci part de ce que nous ne voyons pas. Mais tout ce que nous ne voyons pas est étudié, est observé, partant de l'observation, de l'analyse, et on tente d'expliquer. Et c'est là où la science intervient. Mais rassurez-vous qu'il y a science et science. Il y a ce que j'appelle la science sans conscience. Les sciences sans conscience, c'est celles qui amènent l'homme à la perdition. Et les sciences sans conscience, d'abord dans le domaine scientifique, ce sont des sciences abstraites. Et c'est ainsi que je vous donnerai l'exemple de quelques cas d'abstraction qui ont été émises sur nos réalités spirituelles et traditionnelles. Mais par contre, la science concrète, c'est la science concrète qui peut t'expliquer le fondement, peut t'expliquer les raisons d'eux, peut t'expliquer l'origine d'eux. C'est cela, ce qu'on appelle la science concrète. Et il s'agit ici donc de cette science concrète que je vais vous amener dans l'espace et le temps pour pouvoir vous illustrer par des cas bien spécifiques pour répondre donc à la préoccupation de la thématique du jour. Comment l'or expliquer la dimension scientifique sur la dimension spirituelle. Bien, nous allons donc commencer par un exemple tout simple. Les écrits sacrés. Quand je parle des écrits sacrés, j'ai un grand respect parce que ce sont ces écrits sacrés qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui ont contribué également. Parce que la vie, vous savez, elle est évolutive. Au fur et à mesure que vous évoluez, dans cette évolution, bien sûr, concrète, spirituelle, partant d'un point X à un autre, on évolue. C'est au cours de cette évolution, donc, scientifico-spirituelle, qu'au fur et à mesure, j'appris beaucoup de choses. Donc, les écrits sacrés, en effet, font des déclarations qui, lorsqu'on ne prête pas attention, on peut penser que ce sont des déclarations gratuites. Or, ce sont des déclarations qui ont été faites il y a plus de 3000 ans. Certaines déclarations ont été faites même 4000 ans, où à l'époque, la science n'était qu'à un état précambrien. Je m'explique. Dans les écrits sacrés, par exemple, il est écrit quelque part, que ce soit dans le Coran ou la Bible, vous le trouverez, mais je ne retrouve, moi, je ne viens pas prêcher ici la religion, mais il est important par rapport à la thématique du jour, pour expliquer cette dimension scientifique à la dimension spirituelle. Il est écrit, en effet, que la terre est suspendue dans le néant. C'est ce qui est écrit dans le livre des psaumes. C'est ce qui est écrit par un prophète, le prophète Daniel. C'est écrit même dans certaines sourates du Coran, que la terre, elle est suspendue dans le néant. Mais entre-temps, les scientifiques du temps, je parle 3e, 5e, 7e siècle, vont arriver à une conclusion tout à fait bizarre, disant que la Terre, elle est posée sur un mammouth. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mammouth, c'est tout simplement l'ancêtre de l'éléphant actuel. Donc, les scientifiques du temps disaient que la Terre était posée sur quelque chose. Les analyses faites, certains sont allés jusqu'à dire que la Terre était posée sur un mammouth. Donc, là, nous avons affaire ici à des hypothèses, parce que tout ce qui, au départ, est scientifique n'est pas forcément probable tant que nous n'avons pas atteint la phase d'expérimentation et d'acceptation, c'est-à-dire universellement acceptée comme la mathématique. 1 plus 1, c'est égal 2. Mais tout comme on peut dire 1 ou 1, c'est 1. Voyez-vous? Donc, la mathématique est l'une des branches de la science qui ne peuvent point souffrir d'un doute quelconque. Mais il y a des sciences hypothétiques, ce que j'appelle les sciences d'abstraction, les sciences abstraites, qui se basent sur des hypothèses, des imaginations. Un individu qui se place quelque part par rapport à l'univers et qui apporte une conclusion, une déduction. Et cette déduction, elle a plané dans l'esprit des gens jusqu'à tout récemment, au 19e siècle, c'est-à-dire que la Terre était posée sur un mammouth. Ceci a même valu la mort brutale, exécution d'un monsieur, grand philosophe, grand chercheur, du nom de Galilée. Le fait que lui aussi, il ait déclaré que la Terre tourne autour d'elle-même. Les gens l'ont pris pour un fou. Mais au début du 20e siècle, avec l'exploration donc d'autres partie de notre système galactique, notamment la montée à la Lune, vers la fin du 19e, je voulais dire vers la fin du 20e siècle, les montées donc à la Lune, dans les années 1965-69, autant pour moi, ont prouvé effectivement que ce que les écrits sacrés disaient, c'est la vérité, que, effectivement, la Terre était suspendue dans le vide. Et que ce que disait Galilée, en fait, il n'avait pas tort. D'ailleurs, voyez-vous, mais entre-temps, les scientifiques ont revu leurs assertions. Alors, pour conclure sur cette anecdote, sur cet aspect déjà, que la science est hypothétique. Parfois, la science est évolutive. La science n'est pas figée dans l'espace et le temps. Mais je vous dirais que l'esprit, par contre, est figé dans l'espace et le temps. Car, au commencement, était l'esprit. Au commencement était la pensée. Et cette pensée qui est un mouvement conscient dans l'espace et le temps, va jusqu'à la matérialité et la matérialisation, ou pour ne pas dire la concrétisation. Parce que tout au départ est esprit. C'est de l'esprit qu'il y a la matière. Et c'est ainsi que un autre grand philosophe a étudié à l'époque, un grec qui observe l'atome. Et il découvre que l'atome est composé de plusieurs éléments. Il y a un noyau, mais cet atome donc est composé de 92 éléments. Et ces 92 éléments, c'est en 1985 que l'on découvrit cela. 1985, je devais être en classe de, je crois, si je ne me trompe pas, j'étais en classe de première. Donc on découvre que l'atome a 92 éléments. 30 ans plus tard, on nous dira que c'est plutôt 116 éléments. Alors je vous parle donc de l'atome, divisible par lui-même, est composé par 116 éléments. Parmi ces éléments, nous trouvons le plomb, le fer, l'or, l'hélium, et bien d'autres, le platinum, des éléments qui contribuent à la vie, et même le coltan aujourd'hui, qui fait partie de ces éléments de l'atome. Voyez-vous, donc la science, elle est évolutive, elle n'est pas figée dans l'espace et le temps. Par contre, l'esprit, certes, évolue dans l'espace et le temps, non pas de par ça, par son mouvement scientifique de la connaissance, parce que la science, c'est la connaissance. Je l'ai toujours dit que la science, c'est la connaissance. Quand on a la connaissance, c'est la science. Mais comme parfois on est buté à des incompréhensions, à cause de la contradiction, et cette contradiction est une confrontation des pensées, à l'issue de celle-ci, sort la vérité. Toujours pour ne pas échapper donc à cette question sur comment expliquer cette dimension spirituelle sur la dimension scientifique, sur comment expliquer la dimension scientifique sur la dimension spirituelle, je vous ai parlé donc des exemples sur les écrits sacrés. Dans la Bible, dans le Coran, on nous dit que la terre est suspendue dans le néant. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, les fusées sont montées, ils sont allés là-bas, sur la Lune, ils se sont posés sur la Lune, mais ils se sont rendus compte que, mais tiens, c'est vrai, la Terre est ronde. Waouh ! Galilée avait raison quand il a dit la Terre est ronde. Mais qu'est-ce qui a poussé Galilée sans appareil quelconque d'en arriver à cette conclusion ? Ben là, nous en arriverons là. Souvenez-vous mes propos du début. Le mouvement conscient de ma pensée m'amène jusqu'au bouddhisme, jusqu'au point où, finalement, je sais que la totalité de l'imagination créatrice va se matérialiser. Mais ce mouvement de la pensée, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple où je peux démontrer ou comment expliquer la dimension scientifique à la dimension spirituelle, c'est le cas, par exemple, de certaines plantes. Les tradis praticiens et tous ceux qui pratiquent l'homéopathie ou la naturopathie, tous ceux qui sont dans la science de la guérison et même d'autres sciences. Par exemple, en Russie, il existe une plante qui vous permet de disparaître, de devenir invisible. C'est une plante. Cette plante, vous la prenez. Je le sais parce que j'ai des contacts. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un frère de Saint-Pétersbourg, Russie. Toute sa famille, c'est des spécialistes de la sorcellerie. Tous, de génération en génération. Alors, il m'a parlé de cette feuille. C'est une feuille, vous la prenez, vous pouvez la consommer comme du thé, ou du moins, vous la pressez, vous mélangez avec de l'eau, et vous la frottez au visage, de la tête, de l'arrière vers l'avant, et les parties d'entrée des 5 sens du corps, comme le font les musulmans. Et puis voilà, vous devenez invisible. Mais comme je l'ai dit, la technique de l'invisibilité n'est pas une disparition matérielle réelle, mais c'est une illusion. Donc, en réalité, seuls ceux que vous aimez qui peuvent vous voir et qui ne vous veulent aucun mal. Mais par contre, votre ennemi ne vous verra pas. Voyez-vous, là, scientifiquement, comment expliquer? Mais je viens de donner l'explication scientifique. L'explication scientifique est que votre corps physique ne disparaît pas en temps réel. Mais c'est plutôt une illusion. Tout comme le prestidigitateur qui, par des tours magiques, va jouer avec votre conscient. Il joue avec votre subconscient, il manipule votre subconscient par des répétitions, par des affirmations. Et dès lors que votre conscient plonge dans ces déclarations ô combien persistantes, vous entrez dans une forme d'endormissement. Donc, vous perdez le contrôle de votre conscient. Ceci donc étant, vous êtes dans cet état hypnotique dont vous ne vivez plus une autre réalité. Vous êtes coupé du mouvement de votre pensée dans votre réalité du moment. Mais plutôt, vous êtes sous le contrôle du manipulateur. D'où la vidéo que j'avais sortie, les pouvoirs qu'ont les hommes politiciens et les hommes religieux. Ils utilisent deux éléments, la manipulation psychologique et la manipulation psychosomatique, qui vous endorment, vous embrigadent dans un état de dépendance absolue. Là, c'est des phénomènes scientifiques. Maintenant, pour le cas de la feuille, ben, la feuille vous donne cette illusion. Mais parce que c'est réel, votre ennemi, effectivement, ne vous verra pas. Vous passez, vous parlez à la feuille, et cette feuille va vous donner cette capacité de passer là, inaperçu. Maintenant, en dehors de la feuille, nous avons également des techniques de la parapsychologie. Parapsychologie veut dire étude du paranormal. Donc, dans l'étude du paranormal, nous avons également des techniques qui nous permettent de, par notre travail interne psychique, par l'éducation de soi-même, par le développement de nos pouvoirs internes qui sont à l'état latent, d'également créer cette technique. Je l'ai toujours fait, mais mon gars, bon, devant mes ennemis, quand je ne veux pas voir votre bouille, quand je ne veux pas que vous puissiez me voir, eh bien, j'intériorise cela. Donc, je fais une forme de prière où je rentre à l'intérieur de moi-même et je rentre en connexion avec moi-même et l'esprit fera en sorte que l'esprit ne pourra que répondre à ma demande. Et ce qui fait que vous qui allez passer là, vous ne me verrez pas parce que je suis maintenant en connexion avec l'esprit. Tout ce qui est esprit, on ne voit pas naturellement. L'atome ne pouvait pas voir ça l'œil nu. Mais regardez toutes les merveilles qu'elle fait avec ses, 80, avec ses 116 éléments. Donc, l'exemple suivant, c'est vous parler par exemple de l'iboga. Là encore, entre le 13e siècle, vers les années 1205, dans la zone de Goma, dans l'actuel Congo-Kinshasa, appelé à l'époque République du Zaïre, les Belges découvrent des hommes qui sont petits de taille. On les appelle les pygmées. On les trouve donc dans la zone de l'Afrique centrale, en majorité au Cameroun, au Gabon, Centrafrique. Et certains ont émergé vers la République démocratique du Congo et à la République populaire du Congo. D'ailleurs, tous parlent la même langue. Donc ces êtres petits, tels que le décrit l'auteur du livre, dans les années 1205, ils découvrent que ces petits êtres-là consomment une plante. Assez bizarre, diront-ils. Un goût bizarre, parce que les explorateurs belges, français, ont tenté de goûter, mais ça les a dégoûtés. Et ils observèrent qu'ils les appelaient les sauvages. Des hommes courts sauvages consommaient cette plante et ils se mettaient à danser. Un peu le même langage que le pharaon de la troisième dynastie observait à l'époque de l'Égypte antique, où le pharaon de la troisième dynastie appelait souvent les hommes de petite taille de lui amener une décoction, c'est-à-dire l'iboga. Donc, quand ils observent donc en 1205, ils écrivent, des rapports sont faits, disant que ben, c'est une plante hallucinogène. C'est une plante qui crée des hallucinations, au point où les gens étaient dans la confusion, voyaient des choses bizarres et entendaient des choses. Et précipitamment et sans réflexion, quelques collègues de la psychiatrie allèrent loin dans des déductions et conclusions bizarres que finalement cette plante pourrait rendre quelqu'un folle car ils entendaient des voix. Et les voix qu'ils entendaient, ils classifièrent cela dans la catégorie de la psychiatrie qu'on appelle la schizophrénie. Vous savez qu'un schizophrène, c'est quelqu'un qui entend des voix, qui hallucine, qui entend des voix qui lui poussent à l'action, peuvent lui pousser à commettre un crime. Donc, ça, entre le 13e, 14e siècle, jusqu'au 19e siècle, eh ben, la junte scientifique de nos frères Balan ont conclu que l'iboga est une plante hallucinogène, qu'elle était dangereuse. Mais, à la grande surprise de tous, écoutez maintenant le rapport du 20e siècle. Je vais donc lire avec vous le rapport du 20e siècle, toujours par nos frères Mindele, ce qu'ils disent à propos de l'Iboga. Voici ce qu'ils disent. Pardonnez-moi, c'est en anglais, mais je vais le traduire en français pour vous. The Iboga plant medicine is the raw root bark. Before it undergoes any type of chemical extraction process, it is used for physical healing, spiritual healing, as well as a spiritual discovery in traditional ceremonial way. Ibogaine is just one of the active alkaloid that has been singled out and extracted from the Iboga. So what's the difference here? The difference is the Iboga is just the plant which is used for physical healing, spiritual healing, as physical and spiritual healing as well, and to find thyself. But the Ibogaine is just one active alkaloid that has been singled out. Ça veut dire quoi? Voilà les mêmes gens qui ont dit que l'iboga est une plante hallucinogène et que ça peut rendre les gens fous, ils entendent des voix. Mais ici, le rapport de 1978, les mêmes blancs, c'est un groupe d'Américains et des Anglais qui arrivent à la conclusion, qui disent ceci, je traduis maintenant en français, que l'iboga est une plante médicinale, une racine, qui en fait, lorsqu'on l'extrait, a des propriétés chimiques de différentes catégories. D'accord? Elle est utilisée donc pour la guérison physique, physical healing, pour la guérison spirituelle, spiritual healing, and spiritual discovery in traditional, et découverte spirituelle dans des cérémonies traditionnelles. Et dans cette même iboga, on trouve... C'est moi qui ajoute parce qu'ils n'ont pas expliqué, parce qu'eux, ils expliquent ici que l'ibogaïne est tout simplement de l'alcaloïde actif. Or, au vu des documents récents, laissés également par le professeur Mavungu, que Dieu ait son âme, paix à son âme, j'ai lu son rapport, car le fameux M28 qu'il a créé, médicament efficace contre le sida, là-dedans, il y avait des ingrédients actifs de l'ibogaïne. Et l'ibogaïne, donc, est une substance chimique parmi tant d'autres, car l'iboga, à lui seul, a des milliers de propriétés chimiques. Mais l'ibogaïne avait été celle qu'on a le plus observée avec des actifs assez puissants. Et il agit souvent dans le comportement mental désordonné. C'est ainsi que ce comportement mental désordonné, ou du moins ce que je peux appeler le trouble de la personnalité. Donc, l'ibogaïne agit efficacement sur le trouble de la personnalité. Qui nous le dit? Mais ce sont les scientifiques. Donc, la dimension scientifique a agi de manière efficiente et explicative sur une plante qui est utilisée depuis des millénaires. Alors, l'ibogaïne, tout le monde le sait, on l'utilise contre toute forme d'addiction. Addiction d'alcoolisme, addiction de drogue, cocaïne, drogue forte, drogue souple, vous pouvez appeler comme vous voulez. Et la preuve, aujourd'hui, nous avons des grands laboratoires, des grands temples qui sont installés au Costa Rica, qui sont installés à Miami, ici, aux États-Unis, qui sont installés dans les îles Caïmans, qui sont installés même au Jamaïque. On utilise l'iboga pour pouvoir soigner toute forme d'addiction. Voilà les mêmes scientifiques qui disaient que c'est des hallucinations. Et ce sont les mêmes qui déclarent, s'il vous plaît, que l'iboga est une plante pour la guérison physique, pour la guérison spirituelle. Qui le dit? Mais ce n'est pas nous, ce sont des scientifiques. Ça, ce sont des scientifiques. D'accord? Ils ont étudié cela. Ils ont étudié tout en profondeur. Ça, c'était un exemple que je voulais vous prendre pour une fois de plus expliquer cette dimension de la dimension scientifique à la dimension spirituelle. Maintenant, je vais vous prendre une autre plante. Et seulement avant de continuer, les scientifiques, au départ, dans cette définition d'une hallucination, moi j'appelle ça, c'est de la science abstractive. Ce sont des déclarations d'abstraction. Ça, c'est de la science abstraite. C'est-à-dire que c'est basé sur des hypothèses sans avoir expérimenté. Mais nos frères, là, en 1978, c'est un groupe d'Américains et des Anglais qui sont allés recevoir l'initiation. Et d'où ils ont conclu qu'en fait, cette plante, elle est là pour la guérison physique et pour la guérison spirituelle. Donc, quand vous avez une déviation spirituelle, quand vous avez des attaques spirituelles, mais vous voyagez dans l'espace et le temps, et l'Iboga a cette possibilité et capacité de vous permettre de sortir de votre corps physique et de voir d'autres dimensions, et même de confirmer ce que Galilée avait vu. Dieu seul sait, peut-être qu'il aurait consommé de l'ayahuasca ou bien de l'iboga. Je vous parlerai également de l'ayahuasca, qui est une autre plante que nous trouvons en Amérique du Nord et du Sud, et dans l'Amazonie. Alors, Galilée, il regarde dans l'espace et le temps, il sort en vampire, donc par bilocation consciente, il se dédouble, parce que la plupart des scientifiques, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, il découvre que la Terre, elle est ronde. Et qu'elle flotte dans le vide. Mais le prophète Jérémie ou Daniel, et voire même le roi David, voilà, qui a écrit dans le psaume que la terre, elle est suspendue dans le néant. Mais qui lui dit cela? C'est un esprit qui le découvre, c'est l'esprit de Dieu qui le lui révèle. Que tu n'as pas besoin de voyager dans l'espace, l'OTAN, à payer des machins, de dépenser des milliards pour voler et venir dans l'espace. Non, moi je te le dis, c'est comme ça. Mais comme tout ce qui a été déclaré par le Créateur, eh bien, 3500 ans plus tard, les scientifiques y vont, posent le pied sur la Lune, ils regardent la Terre, mais ils se rendent compte que la Terre, elle est ronde. Et elle est où? Posée dans l'espace. Et que les orbites qui tournent autour, on découvre finalement qu'il y a d'autres planètes. Il y en a 12. Et de ces 12 planètes, qui toutes dépendent d'un système galactique universel. Donc nous avons notre propre univers galactique composé de 12 planètes. Et lesquelles planètes sont justement autour de leur propre orbite, ayant leur propre Lune. Vous vous rendez compte? Et tout ceci, ils sont dans le néant. Il n'y a pas que la planète Terre qui est dans le néant. Mars est dans le néant. Saturne est dans le néant. Voyez-vous? Donc, nous vivons dans un phénomène, dans un monde qui est de néant, mais dans ce néant, il y a le tout. Bon, je m'arrête ici. Donc, maintenant, la science concrète aujourd'hui, au XXe siècle, en 1978, ils apportent ce rapport. Et là, je ne vous ai même pas lu le rapport de 1978. Plutôt de 2021, il n'y a même pas un an, ils ont encore fait des tours auprès du peuple pygmée. Ils sont allés au mont Ibundji. Ils sont allés dans un village là, qui est dans la zone de Mouila, étudier auprès des pygmées. Et le mot finalement, hallucination, n'est plus utilisé. Donc, la science est évolutive, mais la spiritualité n'est pas évolutive. Voilà pourquoi je le répète sur mes propos du début. Toute scientificité sans spiritualité est une idiotie qui n'a pas son nom. D'accord? Nous avançons. Donc, je parlais de l'Iboga. Je parlais également de quoi? J'ai parlé également de l'ayahuasca. Vous connaissez la plante qu'on appelle l'ayahuasca? L'ayahuasca, c'est une liane. Une liane qui est utilisée par nos frères initiés et initiateurs de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. D'accord? Au Brésil, quand je parle d'Amérique du Nord, ce n'est pas utilisé ici aux États-Unis, mais vous partez au Mexique, il y a la plante qui est là-bas. Ayahuasca. Cette plante qui est plutôt une liane. Laquelle liane, lorsqu'on la fait bouillir, elle a une substance très amère, mais qui vous amène dans les mêmes proportions. Et la science, la dimension scientifique, nous a amené une explication à cette belle plante de l'ayahuasca. Je vais vous amener là-bas. D'accord? Et je vous informe qu'à propos de l'iboga, nous avons même des comprimés. Bien. Ayahuasca. Ayahuasca. What is it? The ayahuasca is a plant-based psychedelic. Psychedelics affect all the senses of your body, altering a person's thinking, sense of time, and emotions. They can cause a person to hallucinate, seeing or hearing things that do not exist or are distorted. Qu'est-ce que ça veut dire? Ayahuasca, c'est une plante qui est plutôt une plante psychédélique. Qu'est-ce que ça veut dire plante psychédélique? C'est parce qu'elle rentre dans les cinq sens du corps Et quand elle rentre dans vos cinq sens du corps, ça finit par altérer ou du moins créer une forme d'anesthésie dans votre corps physique et permettra ainsi de voyager dans l'espace et le temps, émettant en exergue vos émotions et peut amener la personne à halluciner, voir des choses et entendre des choses qui n'existent pas. Ça, c'est son truc qui dit ça sur cette plante. Mais rassurez-vous, là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore étudié en profondeur toutes les propriétés scientifico-spirituelles et mystiques de cette plante. D'accord? Ils se sont arrêtés sur cette définition. Mais aujourd'hui, je vous signale qu'il y a des escortes. Il y a des voyages. Moi-même, j'en fais partie. J'ai été là-bas. Les gens voyagent tous les jours en Bolivie. Voyagent tous les jours en Uruguay. Parce que l'Uruguay est l'un des grands temples de la Ayahuasca. Notre maman Bernadette Rebieno, vous vous en souvenez, elle avait fait même un documentaire, on a fait un documentaire sur ça, elle a voyagé, elle est partie là-bas. Les frères de là-bas qui ont consommé cette liane, et même la maman elle-même elle a confirmé que quand elle a consommé cette liane-là, c'est les mêmes effets que l'iboga. Donc, sur la dimension scientifique et spirituelle, comment peut-on trouver une plante ici aux États-Unis? Mais que la même plante, par exemple, je vous ai donné l'exemple du début, qu'en Russie, il y a une plante que vous la consommez, elle vous rend invisible. Mais on ne peut peut-être pas trouver la même plante au niveau du Gabon. Mais il y a ce qu'on appelle des plantes similaires, mais qui ont peut-être d'autres vertus. Mais les vertus qui peuvent contribuer également à cet état parapsychologique ou à cet état mystico-spirituel de vivre cette expérience de devenir invisible. Voyez-vous, la question suppose poser, mais l'iboga, on trouve ça au Gabon. Mais regardez l'iboga, les propriétés que l'iboga a, c'est les mêmes propriétés que la plante qu'on appelle ayahuasca. Ah, parce que la ayahuasca vous permet de voyager dans l'espace et le temps, vous permet de sortir de votre corps physique, vous permet de voir des choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Et les scientifiques disent, oui, voir des choses, il entend des choses qu'on ne connaît pas. Mais il faut toi-même expérimenter. Et aujourd'hui, la majorité des visiteurs qui y vont. Il y a même des Américains qui ont ouvert des temples ici. Et je peux vous dire que vous partez en ligne, vous verrez, il y a des médicaments maintenant qu'on vend, de la ayahuasca. Les médicaments de l'ibogaïne, on les vend. Ici, ça se vend comme des gâteaux, mais réservés uniquement aux célébrités, car un seul comprimé peut vous coûter jusqu'à 100 000 francs CFA. Notre patrimoine de l'iboga, est-ce qu'il est protégé au Gabon? Dieu seul sait. Et aujourd'hui, cette plante, elle est prisée maintenant par les grands hommes d'affaires, les grands scientifiques, les grands laboratoires courent derrière cette plante. Voyez-vous? Donc, là, vous voyez la dimension scientifique sur la dimension spirituelle. Le spirituel est là, ne fait pas le bruit. Le spirituel reste, figé, reste sur place, mais c'est le scientifique, c'est la science qui va venir faire tout un discours pour expliquer le spirituel. Parce que le spirituel, c'est quoi? Au commencement était l'esprit. Et l'esprit était avec Dieu. L'esprit était Dieu. Cet esprit s'est matérialisé à cet esprit priforme, ainsi de suite. Les paroles qui sont appliquées à certains religieux pour dire que ça s'applique en Jésus. Mais je vous dis que l'esprit, c'est vous. Parce que nous sommes des sens spirituels. Au commencement, nous étions. Ça veut dire que, quand vous lisez les écrits qui nous disent ceci, que l'homme fut créé à l'image de Dieu, l'homme fut créé, et les Elohim, les dieux disent, créons cet homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Pour que cet homme nous ressemble, créons-le à notre image, donnons-lui toutes les capacités. Ainsi donc, l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais dès lors que l'homme était devenu la ressemblance de Dieu, il est d'essence donc spirituelle. C'est-à-dire que l'homme est un esprit, mais un esprit qui évolue dans un corps physique. Mais toutes ces études observatoires ont été faites par qui? Ont été faites par des scientifiques. La science explique cela. N'oubliez pas que la science est la base. La science est l'élément qui explique toute chose. La science est l'élément par excellence qui explique la spiritualité. La spiritualité n'a rien à expliquer. La spiritualité est un vécu. La spiritualité est une expérience. La spiritualité est une affaire intime, personnelle. Voyez-vous, il faut vous initier pour pouvoir peut-être expliquer certaines choses. Mais moi, je vous dis, je ne peux pas vous expliquer. le petit discours que je fais par rapport à une question qui est posée, mais c'est parce que vous parlez à quelqu'un qui a vécu ces expériences. J'ai vécu toute forme d'expérience à base de feuilles, à base de lianes, à base de routes. Les routes, c'est en anglais, pardonnez-moi. À base de racines. Donc, je ne peux pas faire un discours. Voilà pourquoi nous, souvent, nous disons, pour pouvoir vivre maintenant pour pouvoir vivre cette dimension spirituelle, mais il faut l'expérimentation. Or, maintenant, pour nous, la science nous a aidés à comprendre que toute connaissance, elle part par une théorie, par une observation, et de cette observation, on arrive à la théorie, et de cette théorie, donc, c'est-à-dire qu'on fait le discours, et de ce discours, on cherche à appliquer, donc application, et de cette application, on arrive à l'expérimentation, et de cette expérimentation, on arrive au résultat, et c'est de ce résultat qu'on peut maintenant universaliser, on peut le documenter, on peut tous arrêter une définition exacte. Mais voyez-vous que la science abstraite, avant qu'elle devienne une science concrète, passe par des déclarations parfois gratuites. On a dit l'iboga est une hallucination, est une plante hallucinogène. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. L'iboga n'est pas une plante hallucinogène. Pourquoi on dit hallucinogène? Mais c'est parce qu'on a tendance à halluciner lorsqu'on quitte son corps. On voit des images, mais qui ne sont pas claires. Donc c'est au fur et à mesure que vous faites ce voyage-là sous le guide, le sceau du guide qui est à vos côtés, qui vous voit, qui vous guide, qui vous pose des questions, qu'est-ce que vous voyez, et maintenant vous partez, vous êtes libre. Vous faites ce voyage astral, et là, maintenant, ce qui paraissait des hallucinations commence à s'éclaircir, et vous voyez les choses maintenant claires. Les têtes des gens que vous voyez, ce sont les têtes de vos grands-parents, ainsi de suite. Vous vous retrouvez, et vous allez maintenant voir que ces hallucinations vont se dissiper et deviennent des réalités, parce que vous êtes dans un monde réel qui est semblable au monde des terriens que nous sommes, au monde des mortels que nous sommes, si vous me permettez. Donc, voilà, ces frères-là, qui, au XIIIe siècle, ont dit que c'est des hallucinations, aujourd'hui, au XXIe siècle, ils ont compris que ça n'a rien d'hallucinogène, mais c'est plutôt pour la guérison du corps, pour la guérison de la plante, et surtout, ils ont ajouté, au cours de nos cérémonies du Bouété, aujourd'hui, le Bouété est reconnu comme une religion. Parce que, peut-être parce qu'elle n'a pas atteint cette dimension administrative par des gourous, des prêtres, des ceci et cela. Mais la religion, c'est simplement le relais, le moyen par lequel l'homme se connecte avec son divin, l'homme se connecte avec ses divinités, l'homme se connecte avec ses ancêtres. Car les ancêtres, on n'a pas besoin de les adorer, mais on les honore en faisant des rites, des connexions avec eux. Parce que justement, le monde spirituel qui ne peut être appréhendé par le commun des mortels, à moins que vous rentriez dans des arcanes secrètes, ce monde de spiritualité, ce monde spirituel, quand je vous dis, moi, je vois mon père, je vois mon grand-père, je vois mon arrière-grand-père, hein, ainsi de suite, je vois mes grands-parents, Kota, Sake, Mdamboa, car les parents Gissir, les parents gallois, les gens peuvent penser que j'hallucine ou bien je deviens fou. Alors que c'est des expériences que je vis parce que c'est dans le monde spirituel. Je m'exprime dans ce corps physique-là, mais avant tout, je suis un spirituel. Je ne suis pas un homme, je suis un être humain, c'est-à-dire dans mon... j'exprime mon être dans ce corps humain qui m'a été prêté circonstanciellement. Quand je dis prêté circonstanciellement, parce que j'ai connu un mouvement qu'on appelle le mouvement incarnatoire. C'est cela. En tant qu'esprit, vous passez par cette expérience incarnatoire. Donc vous vous incarnez d'un corps à un autre. Pardonnez-moi, j'ai un peu trop mis du temps sur cette affaire. La deuxième explication sur les plantes. Pour expliquer cette dimension scientifique à la dimension spirituelle, on aura beaucoup à dire. Parce que quand vous allez voyager dans l'espace et le temps, quand vous allez voir d'autres choses, quand vous allez amener certaines révélations, quand vous allez même, ce qui m'amène même à enchaîner à la deuxième, à la troisième partie, la partie finalement scientifique, le téléphone. Savez-vous que la personne qui a inventé le téléphone, qui était d'ailleurs un noir, mais qu'on a attribué à un blanc plus tard, ce frère noir-là, qui était pris de l'Afrique, dont ses ancêtres étaient pris de l'Afrique pour amener ici. Alors, savez-vous que c'est par là, le téléphone a été créé à partir de certaines observations? Quelle observation? Téléphone. Télé veut dire transporter. Phone veut dire le son. Donc, c'est le transport du son. Comment déplacer le son d'un point A à un point B? Mais la personne qui a inventé le frère noir, mais il faisait le phénomène de télépathie et de télépsychie. La télépathie et la télépsychie, c'est deux branches de la science. une science qu'on appelle la science de la parapsychologie. Parapsychologie veut dire l'étude du paranormal. Parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement. La psychologie est l'étude du comportement. Quand vous partez à l'école, comme je l'ai fait, j'ai étudié cette science-là, la psychologie du comportement. Donc, vous observez comment les humains se comportent. Et quand vous les observez, vous amenez des assertions, des conclusions qui parfois peuvent être un peu exagératoires, exagérées autant pour moi, mais qui, à 90%, reflètent la réalité. Mais vous, dans votre observation, vous n'observez pas trop le physique, vous observez plutôt les manifestations du mouvement de la pensée dans le physique de l'individu. En d'autres termes, le psychologue, c'est celui qui observe le comportement. Mais qu'est-ce que le comportement? Le comportement est un ensemble des segments de pensée, un ensemble de pensées qui sont en mouvement dans le corps physique de l'individu, et ces pensées en mouvement peuvent altérer le comportement humain, peuvent amener des modifications dans son comportement de manière générale, de manière extériorisée, donc à l'extérieur de cet esprit. Peut-être je vous amène trop dans des complexités. Pour simplifier tout, vous, en tant que psychologue, vous observez le comportement de l'individu, vous interprétez. Vous vous interprétez, vous vous posez des questions. Pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela? On observe et on amène des déductions. Mais qu'est-ce qui amène la personne à se comporter de la sorte? Mais c'est le mouvement de sa pensée. Parce que sa pensée est en mouvement. C'est cela. Maintenant, la parapsychologie, c'est lorsque le psychologue a des limites. La parapsychologie intervient où? Lorsque le psychologue a des limites. Par exemple, le psychologue observe que ce monsieur parle seul. Mais c'est pour cela que nous avons dans nos hôpitaux psychiatriques des psychologues. Le psychologue va dire oui, il entend des voix. Et le psychiatre dit, ah bon, il entend les voix. Oui, bon, on va lui donner des comprimés, des antipsychotiques. Pas des antidépressants, mais plutôt des antipsychotiques. Parce que ce sont des psychoses. Ce sont des psychoses qui l'emmerdent. C'est-à-dire, ses neurones ont pris un coup et tout. Par déduction, c'est ce que le psychologue va dire. Maintenant, le parapsychologue, il n'y a que lui qui peut expliquer, en fait, que les voix que la personne entend, ce n'est pas ses propres voix, comme le prétend le psychologue et le psychiatre. Parce que le psychologue va vous dire, oui, c'est, il entend ses propres voix. Mais comment vous allez entendre vos propres voix? Et les mêmes propres voix à vous vont vous pousser à tuer quelqu'un. Non. Ce sont des voix externes. Il y a un filtre invisible. Là, je vais maintenant dans la science interne. Dans cette science interne, la parapsychologie, il y a un filtre invisible que le commun des mortels ne comprend pas, c'est-à-dire qu'une liaison entre votre âme, votre esprit, et votre esprit donc est en connexion avec les entités de l'au-delà. Et ces entités de l'au-delà peuvent vous utiliser comme moyen de transmission de courroies, de transmettre leurs pensées, de transmettre leurs messages. J'ai donné un enseignement ici alors pour vous dire que les pensées sont conscientes. Les pensées, ce sont des humains. Les pensées, ce sont des âmes désincarnées. Les pensées, ce sont des humains qui sont à un coin donné de la planète, mais qui n'arrivent pas à exécuter et à mettre en marche leurs œuvres ou bien leurs intentions. Donc, la pensée transporte l'intention pour aller l'éjecter dans la tête de quelqu'un. C'est ça, ça fait partie de la parapsychologie. La parapsychologie aussi, c'est l'étude de la télépathie et la télépsychie. Donc, le téléphone a été créé sur ce phénomène de télépathie et télépsychie. Télépathie veut dire la faculté de transmettre votre pensée à un autre individu sans forcément un moyen ou un support. Maintenant, la télépsychie, c'est l'état mental passé, même actif où vous recevez finalement le message de celui qui a transmis la pensée par phénomène télépathique. Car la télépathie, c'est un état passif, vous mettez plutôt un état actif. Donc, vous activez votre pensée, vous l'envoyez. Maintenant, celui qui est dans l'état télépsychique, il est dans un état passif, avancé. Donc, il se met dans une position de neutralité, d'ouverture totale. On appelle ça passif. Passif veut dire que vous n'êtes pas en train de faire... Vous réceptionnez, vous restez concentré pour recevoir cette pensée parce que vous entendez, et c'est des cours que je donne aux gens, je fais des expériences avec des gens, je leur dis, bon, 21h heure du Gabon, soit 15h heure des États-Unis. Je m'enferme ici dans mon temple et je me concentre et la personne, on parle par la pensée et après cela, je demande à la personne, qu'est-ce que je faisais? Tu m'as dit ceci, cela. Je dirais, bah c'est, qu'est-ce que je t'ai dit? Et c'est comme cela que le téléphone a vu le jour. Téléporter, téléphone, téléportare, tous ces phénomènes de télé veut dire mouvement de la pensée vers. Donc, télépathie et télépsychie, ce sont ces deux phénomènes scientifiques que notre frère a finalement dit, mais tiens, Mais si je peux communiquer avec l'autre par la pensée, quel que soit l'espace et le temps, ce que faisaient les Russes prisonniers lors de la guerre froide entre la Russie et les Américains, hein? Les Russes, ils étaient là, enfermés, sous le sous-marin, mais ils arrivaient à transmettre des messages au KGB. Mais les Américains se demandaient, mais comment ça se passe? Il n'a pas de téléphone, il est prisonnier. Mais parce que ces mecs-là, depuis le jeune âge, ce que je vous dis, jusqu'à ce jour, il y a des écoles de sorcellerie en Russie. Il y a des écoles où on apprend les mecs, les techniques psy, les techniques de psychologie, de parapsychologie. On les forme depuis le jeune âge. Pas pour former des enfants à devenir des francs-maçons. Non. On apprend ces enfants à développer leur faculté spirituelle, faculté psychique. Voyez-vous? Donc, voilà un phénomène scientifique qui, à la longue, s'est matérialisé. La télépathie et la télépsychie. Donc, ça, personne ne peut dire le contraire, hein, quant à ce que je suis en train de dire. Quoi d'autre? Donc, je disais cela. Il y a bien d'autres exemples que je peux vous amener ici pour justement vous montrer cette dimension de scientifique sur la dimension spirituelle. D'accord? Alors, il faut retenir que la spiritualité, elle s'adapte. La spiritualité, elle s'adapte dans l'espace et le temps. Elle mute. C'est un mouvement constant. C'est un mouvement constant. Mais par contre, la science, elle, parfois, elle est contradictoire. La science, elle est évolutive. Mais il n'y a que la science pour expliquer la spiritualité. La science explique la spiritualité. Mais la spiritualité n'est pas là pour expliquer la science. Non. La science est un état d'être. Et je voulais dire, la spiritualité est un état d'être. Parce que le mot spiritualité vient de psyché. Psyché vient de esprit. L'esprit n'est pas là à expliquer la science. Qu'est-ce qu'on a à foutre? L'esprit, c'est l'esprit. Je vous parle parce que je suis un esprit. Mais un esprit qui est conscient dans un corps matériel. Lequel corps matériel m'a été attribué en 1962 par des circonstances. Les circonstances qu'on appelle les circonstances de réincarnation, les circonstances réincarnatoires. Pourquoi réincarner? Mais parce que je me suis déjà incarné au sein de cette même famille au Nouviet plus de 14 fois. Et je connais mon histoire. Mais ce n'est pas une histoire que je peux partager à n'importe qui. Je préfère m'arrêter ici. Sur cela, je vous ai dit tout le temps au début que la spiritualité, on ne peut pas faire un discours sur la spiritualité. Le discours, c'est la science qui fait le discours. C'est pour cela que nous avons plusieurs branches de science. Nous avons la philosophie, nous avons la théosophie, nous avons, et même il y a une science de Dieu qu'on appelle la théocratie. Nous avons une science de Dieu encore qu'on appelle la théologie. On va jusqu'à vouloir étudier qui est Dieu. On va jusqu'à étudier les mécanismes des fonctionnalités de Dieu et comment il opère dans les univers. On appelle ça la théocratie, l'organisation. Comment nous devons adorer Dieu et de quelle manière et comment nous pouvons convaincre les autres par les techniques de manipulation psychologique et de manipulation psychosomatique. Donc tout ceci, ce n'est que le discours. Mais l'esprit n'est pas un discours. L'esprit est un état d'être expérimental, un vécu individuel et personnel, une rencontre individuelle d'avec l'universel et de cette universalisée et de cette universalité, ainsi on exprime notre être-té. Donc, de notre individualité avec l'universalité, nous fusionnons et nous devenons un avec le tout. Tout comme les scientifiques Handel, grand rosicrucien de son temps, a écrit que le microcosme dans le macrocosme. En tant que microcosme, je fusionne dans le macrocosme afin que le macrocosme s'épouse d'avec le microcosme que je suis, pour pouvoir expliquer cette unité universelle. Car c'est dans cette expression unitaire universelle que la vie a son sens à travers les quatre grandes vertus divines, que sont la puissance, la justice, la paix, hein, et l'amour. Car cet amour qui est en fait, qui ne peut point être défini, est une matérialité absolue tant dans le plan visible qu'invisible, car c'est par l'amour que vous êtes attiré par cette grande lumière divine qui vous amène dans le grand phénomène des trous noirs et dont vous entendrez des musiques et des beaux sons, lesquels viennent de vos ancêtres qui vont vous guider vers le chemin de l'absolu pour vous amener vers le royaume de mort en transitant par là, dépendant de votre niveau spirituel, et vous allez vous rendre dans d'autres dimensions si possible et que telle est la volonté des dieux. eh bien, ils peuvent décider de vous faire revenir. Et c'est là où on parle encore de phénomène incarnatoire. Donc, ce phénomène des circonstances incarnatoires peut vous ramener si telle est la volonté de Dieu. Mais maintenant, si vous avez atteint le point final de cela, on appelle ça fin de cycle incarnatoire. Mais cette fin de cycle incarnatoire fait de vous finalement un immortel. Et c'est ça l'objectif de tout initié, qui se lance sur la voie spirituelle initiatique et rentrant dans les arcanes secrètes pour comprendre tous ces phénomènes, pour retrouver sa lignée ancestrale depuis le bas astral jusqu'au plus haut niveau, en passant par cette reconnexion absolue qui va vous amener finalement à l'homme original pour retrouver en fait qui vous êtes, votre originalité, retour à la source. Et quand il y a donc ce retour à la source, eh bien, vous devenez finalement qui vous êtes, c'est-à-dire un Dieu au milieu de Dieu, rayonnant de joie et exprimant cet amour comme une étoile dans le firmament, et les gens vont vous appeler une étoile alors que vous êtes un Dieu vivant au milieu des dieux. Vous êtes un Dieu au rang des dieux. Vous devenez donc ceux-là qui ont créé les univers qu'on appelle les Elohim. Au commencement donc, les dieux, les Elohim créèrent l'homme et ils dirent que l'homme soit créé à notre image et faisons tout pour que l'homme devienne notre ressemblance. Voilà l'objectif de l'initiation. Donc, c'est cela l'esprit. Par contre, la science, c'est le discours et c'est le moyen par lequel j'essaye d'utiliser pour pouvoir vous parler. Mais rassurez-vous, en tant qu'initié, il m'est interdit de faire des discours. Le discours, bien sûr, on peut écrire des livres, on peut dire ceci, cela, mais rassurez-vous que la science n'est pas esprit. Mais par contre, comme je le disais, toute scientificité sans spiritualité est une idiotie qui n'a pas son nom. Portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse. Merci une fois de plus à la personne qui m'a posé cette question très importante, à savoir quelle est la dimension scientifique par rapport à la dimension spirituelle. Je crois avoir, par ma propre expérience, contribué et vous donner la réponse. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas satisfaits, je vous prie de toujours poser ces questions dans mes forums et ainsi je pourrai éventuellement vous ajouter des explications là-dessus. Mais sinon, ici, sous le sceau de mes ancêtres, sous le sceau des maîtres invisibles, sous le sceau de tous les grands génies et du Dieu suprême qui est au-dessus de tout, j'ai fait de mon mieux à pouvoir ici, avec éloquence, avec preuve scientifique, pour ne pas dire preuve spirituelle, essayer de démontrer, peut-être que cela est peu, peut-être que cela est peu convaincant, mais par ma modeste personne, j'essaie de vous apporter quelques éclaircissements. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches aussi et de pouvoir faire l'étude des compagnies. Battery, 97%. Et je reconnais que je suis un ignorant, je suis humble pour admettre aussi les erreurs humaines. Quelqu'un d'autre peut y contribuer et apporter sa connaissance. Merci une fois de plus. Je vous fais passer donc mon générique et j'espère que tous vous allez l'aimer. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci. Merci. Je dis merci à mon frère qui m'a envoyé cette belle musique. Merci. Oh, you're the one that I'm gonna do now. Merci.